Un rendez-vous solidaire des matelots battants pavillon de Belize dans Zaon a eu lieu le 9 au port de Funam pour soutenir le message de nouvel an du dirigeant suprême Kim Jong-un. Ils ont tout d'abord fleuri et rendu hommage devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées dans la ville de Hamun, province du Hamgyong du Sud. Les orateurs ont qualifié l'historique message de nouvel an de guide de programme encourageant l'édification d'une puissance socialiste et la lutte pour la réunification du pays. Les matelots ont adopté une lettre à l'adresse du maréchal coréen.